Les douze martyrs de Joseph-Guillaume Barthes, enregistré pour LibriVox.org. Muse, cache ton front sous ton voile de deuil, avant de remuer les cendres du cercueil. Revêt de la douleur les plus sombres livrées, avant de réveiller de néfastes journées. Un tombeau de martyrs se dresse devant toi, et défendre la tombe est ta suprême loi. Dieu! C'est mon humble voix qui prie et qui soupire. C'est l'écho du malheur qui, dans mon luth, expire. C'est le cri d'innocents qu'on appelle orphelins, qui consument leurs jours dans de cuisants chagrins. C'est la mère, en sanglots, hélas, qui s'agonise, mendiant son fils froid au souffle de la bise. C'est la veuve tombée aux genoux du bourreau pour ravir son époux au hideux tombereau, qui par pitié réclame une place en sa bière, le calme à ses côtés, sous cette humide pierre. Ah, les infortunés, ils ont froid, ils ont faim. Pas une âme n'est là, pas une noble main, pour verser une aumône et mêler une larme. Une larme, une aumône, apportant tant de charme dans le sein ignoré qui ne l'implore pas. Pourquoi convoitez-vous le tombeau, le trépas, pauvres abandonnés, vers le céleste dôme où règne le grand dieu de César et de Rome, où les deux sanguinés ont grossi les martyrs? La foi lève vos yeux et jette vos soupirs. C'est le maître des cieux, c'est le dieu de la terre qui voit du malheureux le douloureux mystère. Il exauce le cœur qui monte jusqu'à lui, et de l'humble infortune, il est le seul appui. Duquette, appelle aux cieux ta mère en cheveux blancs. Pauvre lys emporté par un sanglant orage, arraché de ce globe à peine à tes 20 ans. Tu t'élanças aux cieux comme un calme nuage pour laisser dans nos cœurs des regrets éternels, avoir là-haut un trône, ici-bas des autels. Adieu, tendre holocauste. Écoute mon délire et recueille en ton sein quelques sons de ma lyre. Et toi, l'orimier, prends ton sublime essor avant d'aller aux cieux, on gravit le Tabor. Ah, tes calmes adieux, dans ta nuit dernière, on fait fondre mon âme et noyer ma paupière. J'ai serré dans mes bras tes filles et ton fils pour raviver leur cœur qui succombait d'ennui. Sur leur front innocent que j'ai baigné de larmes, où tes lèvres de père ont tant goûté de charme. En souvenir de toi, j'imprimais mes baisers pour remplacer les tiens qui leur étaient si chers. Ton nom vivra toujours, victime résignée. Il fera le destin de ta veuve adorée. Mais toi, jeune héros que la France a pleuré, apôtre généreux de notre liberté, beau jeune homme ravi dans la fleur de ton âge, si ta mère a ton cœur, nous avons ton image. Le sang que tu versas sur un sol étranger, ce noble sang de France, il sera bien germé, héroïque indolent, malgré ton sacrifice. En vain, tu réclamais une sainte justice. Ton âme s'envola vers la sainte cité, et ton suprême cri fut pour la liberté. Une ombre encore voltige au milieu des cyprès, une ombre généreuse. Elle a tous nos regrets. Cardinal, ah, ton sort pèse trop à mon âme. Quel écho que celui des douleurs d'une femme qui n'a plus qu'un fantôme à son chevet de deuil, qui veille chaque nuit à côté d'un cercueil, qui pleure tout le jour, qui tout le jour console le fruit d'un chaste amour, sa tendre et faible idole. Repose, pauvre man, en paix dans ton tombeau. Nous ne t'oublierons pas. Ton fils est au berceau. De Coigne, il est aussi des larmes pour ta tombe. J'y viendrai chaque soir, avec le jour qui tombe, confondre avec les tiens de poignants souvenirs, et de ma lyre en deuil exhaler des soupirs. Moi, je prierai le dieu du sublime empyré qu'il reçoive en son sein cette autre ombre envolée, qu'il veille sur les jours qui s'enchaînaient aux tiens, et dont tes bras étaient les uniques soutiens. Nicolas, Hamelin, Donnet, Robert, Narbonne, l'échafaud, vous aussi, l'échafaud vous moissonne. Et dans la même étreinte étouffée à la fois, pour blasphème, venger la majesté des lois, vous avez expié, trop sanglante ironie, vous avez expié rien, rien que votre vie. En vain, vous espériez qu'une royale main, à vos malheureux jours, mettrait un lendemain. En vain, vous réclamiez d'une aimable couronne la puissante clémence et les bienfaits du trône. Le bourreau se plaçait entre une reine et vous ne putes pas tomber à ses genoux. Ah, du moins, souffre encore, ô toi, royale femme, que je fouille en ton cœur, que je palpe ton âme. Oui, j'honore ton nom et ton bandeau sacré, à l'égal de la gloire et de la liberté. Je me plais à rêver ton auguste clémence, à te songer sensible aux cris de la souffrance, à t'entourer d'amour, de respect, de bonheur, à vénérer dans toi le plus sublime cœur. Mais ce cœur, il ignore... Oh Dieu, mais non, silence. Fin du poème, enregistré par Mika. Cet enregistrement fait partie du domaine public.